Pour plus de détails, visitez le www.popmontréal.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ah, bonsoir. En manchette ce soir, mon ordi est en train de loader. Il y a beaucoup d'affaires juridiques, puis il y a une affaire qui vient du Japon aussi, puis il y a peut-être quelqu'un qui est mort, je suis pas sûr. Vous écoutez 70%. Et voilà, puis ben, pour la première fois, on va entendre tous ensemble la chanson « Les douteux » d'Edgar Bory qui est ici avec nous en studio. Yeah! On pèse play. Au jeu du QI, blanche la nuit, rire d'enfer, pipi au lit. En bon douteux, on va casser des œufs à l'humeur, au front de bœuf. D'abord, tapant sur nos dirigeants, abuseurs d'économie. Ces louches qui se poussent avec notre argent, ces voleurs, nos volants. Du pied dans la boue, à du long dont moins c'est bougalou. Ça évitera les gaz, de l'effet de serre. Gagne ou tempère, des veines de femmes dans la France. Qu'est-ce qu'on se bourre, les désennuis, sous les destards d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes chanchous. Chachou, chachou. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bon, bon, bon, fort, chaton, tweeton, mais doutons encore. Question de réponse, bidon, pas de mouille, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doute à nu. Sonne un bon douteux, donne, donne, donne. Qu'est-ce qu'on s'est endormi depuis? Vive le vin douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon douteux donne son 70%. Ah wow. Oh, oui. Je pense que ça fait pas mal de satisfaction chez pas mal de personnes. Merci beaucoup, Edgar. C'est tellement mon genre, ça. Bon. On va acheter ton album en sortant. Ben. Et voilà. En plus, Bruno Corbin, Edgar Bory, Greg, c'est quoi ton nom de famille, toi? J. Ah ben voilà. Ben Greg J. C'est compliqué. Ben ouais, ça fait comme un Cognito, là, mais non. On a Cathy, je connais pas son nom de famille. Tu veux savoir mon nom de famille? Ben c'est plus... OK, Bonnet. Cathy Bonnet, voilà. Et puis, ben Valérian. Eh ben, c'est le même nom de famille, en fait. Ah ben, Colin, on en apprend. Ah ben, les liens qui se créent ici, là. Qui se créent ce soir demain. Et voilà, on reconnaît la voix de DJ Georges et Étienne Forêt. C'est quoi aujourd'hui que tu vas nous assommer avec? Aujourd'hui, là, j'étais tellement heureux cette semaine, là, parce qu'il y a deux grandes sphères de ma vie qui sont entrées en contact. Soit la jurisprudence et la cochonnerie musicale. Il y a eu un verdict qui est tombé récemment sur notre ami Michel Richard. Fait que cette semaine, mon thème, c'est Michel Richard et l'alcool. Vogons ensemble. Simon Predge, toujours optimal. Et voilà, il s'arrête. J'arrête de fumer cette semaine, ça va être off. Ah ouais, bravo mon gars. Ça va faire des bonnes chroniques. C'est pas fait là. Moi j'ai arrêté de fumer puis j'ai pogné la H1N1 après. Je suis sûr qu'il y a un lien de cause à effet. Hey, hein? Sinon, ben, en background, les plus érudits ou ceux qui ont le plus de choses à rien faire vont reconnaître la trame sonore de Tecmo Secret of the Star. C'est un jeu de Super NES, ça. C'est probablement le moins bon role-playing de toute l'histoire. Et puis, je viens de payer David Valilé pour qu'il se rende à la fin. Oh shit! Et qu'il enregistre toutes les bouts sur vidéo qui ont vraiment pas de sens. Là, à un moment donné, il y a un chat qui bloque le passage entre la cuisine et le salon. Ce qui fait que tu peux pas aller dans la cave de la maison qui est en fait un tunnel qui t'amène à un château où il y a des monstres ancestraux, tu sais, c'est... Il y a rien qui se peut. Et puis, ben, ça me fait vraiment plaisir de mettre la trame sonore en background pour l'émission. On va avoir, bien sûr, Edgar Bory et Greg, surtout, en invité. C'est quoi je voulais commencer? Moi, je... Ah oui, c'est vrai, cette semaine, j'ai fait vraiment plein de belles trouvailles. D'ailleurs, c'est spécial Commando, le film aujourd'hui. Oui. Sinon, oui, c'est tout un film, ça. Sinon, je suis en train de rechercher ici mon petit folder parce que j'ai trouvé toutes sortes d'affaires. J'ai trouvé le Wilkinson Family Restaurant. Merci à François. J'ai trouvé aussi des chansons de Sean Edouard. Oh! Non! C'est Sean Edouard. C'est le jeune homme dont la fougue n'a d'égal que l'ambiguïté sexuelle. Et c'est l'extravagance. C'est ben, tellement bien dit. En fait, c'est ça, c'est qu'en cherchant, et puis, ben, tu sais, on court un petit peu après le doute, comme dirait l'autre, mais ben, on s'est rendu compte que Sean Edouard avait deux clips, et puis qu'il était en train de commencer à pogner aux États-Unis. Ouais, que là-bas il faisait jaser un petit peu. Ben, c'est ça qu'on a appris sur les sites qui lui sont consacrés. Ça doit être plein d'humilité, ça. Mais... Comment les sites qui sont consacrés? Il me semble qu'un c'est assez. Ben, il y en a en français et bien en anglais. Ah, ok. Les deux ont un lien qui mène à l'autre. Et puis ça va me faire plaisir de mettre, en fait, à place de mettre Parler de moi, qui est une de ces deux chansons, on va écouter ici Regardez-moi. Ah, qui est l'autre de ces deux chansons. La précédente, goûte-moi, touche-moi, puis sens-moi. C'est ça. Merci. Bravo à Sean Edouard qui n'a d'égal que l'envie qu'on en n'existe entend n'existe pas de sans lui. Moi. Et voilà. À 70%, on a une grosse émission aujourd'hui. Là. Fait que va pisser, puis pèse pause. Le disent On lâche pas, il reste à peine 20 minutes. On entame le fade-out. C'est vraiment bon. C'est très, très bon. Sur YouTube, on trouve ça à Batalla de las Americas parce que Sean Edouard a envoyé son film pour participer là-bas et ça a été comme retenu, blabla. Ouais. S'il vous plaît... N'encouragez pas Sean Edouard. Non, c'est ça. On va continuer. C'est ça, je sais pas. Le pas, là, sinon il va pas arrêter l'enfant. Hey. Ignorez-le, puis il va s'en aller dans sa chambre. Et bien sûr. Avec son nouveau succès, Touche-moi. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Son gros hit. Bruno Corbin aux nouvelles. Pendant les qu'on a... nouvelles à 70%. Faut que je me fasse un jingle. D'accord, alors on y va tout de suite. Beaucoup de nouvelles judiciaires cette semaine. On commence avec une tout de suite. Alors, il y a un juge de New York qui a refusé une demande de condamnation par contumace. Une condamnation par contumace, en passant, c'est lorsque l'accusé n'est pas présent lors de la condamnation. Donc, je vous instruis en même temps. Okay. Alors voilà. Refuser donc une demande de condamnation par contumace en partie parce que le document avait été mal agrafé. Il semble que la ou les agrafes utilisées aient été inadéquatement refermées lors du procédé d'agrafage, causant audites agrafes de pointer vers l'extérieur, créant une protubérance. Selon Charles Markey, le juge de la Cour suprême, le document résultant posait des risques aux greffiers et aurait causé des blessures. Le mauvais agrafage des papiers, a-t-il écrit, était si négligent qu'il a à plusieurs reprises causé des blessures physiques au personnel de la Cour. Personne ne sait quoi faire, là. Il ajoute qu'une telle négligence de la part des avocats démontre un manque de considération. L'avocat du plaignant a affirmé que c'était un cas isolé et qu'il avait agrafé plus de 5000 documents avec succès auparavant. Il avait avec lui plusieurs documents bien agrafés pour prouver. C'est un excellent moyen. OK. Tu vois que l'erreur, c'est quelque chose que le système judiciaire n'accepte pas. Ne pardonne pas! Non. Faire attention aux doigts de greffier. Hey, let's go, une autre. D'accord. On y va avec une petite ici. Malgré la récession, le Japon continue de nous impressionner grâce à ses inventions aussi novatrices et coûteuses qu'inutiles. Les Robot Tiles, issus de l'imagination de Hiro Iwata, un chercheur en réalité virtuelle à l'université de Tsukuba. C'est un tissu conducteur d'électricité sensible à la pression qui couvre chaque robot et mesure la pression appliquée par la personne qui marche dessus, prédisant ainsi le prochain pas de l'utilisateur. Le robot recommence donc à reculer et un autre robot identique va se placer devant l'utilisateur qui marche dessus, permettant ainsi de marcher sans se rendre nulle part. Oui, OK. C'est vraiment pertinent. On n'arrête pas le progrès. C'est comme un tapis roulant, mais avec des robots. OK. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Plaisir. Et grâce aux méthodes de médias modernes, nous, à 70%, sommes au courant qu'un Japonais... Aïe, aïe. Mais c'est un tapis roulant que tu peux changer de direction, par exemple. C'est ce qui est cool. Oui, exactement. Un vrai tapis roulant, tu peux pas faire ça. Non. Fait que c'est bien. On continue dans la bonne direction. par en avant, mais sans aller nulle part. Aïe, fabuleux. Eh bien, sinon, Edgar Bory, bravo encore une fois pour la chanson. Mais bon, merci beaucoup. Bravo. Moi, j'ai entendu la première, ben, en fait, le jet qui nous sert, ou peut-être va nous servir de parce que hein, c'est quand même une assez profonde métamorphose entre l'ancienne et la nouvelle. J'ai écouté l'ancienne après avoir fait la nouvelle, une chance, parce que sans ça, je me serais dirigé autrement. Mais j'aurais peut-être pris le tapis du japonais. Je sais pas, il faudrait qu'il y en invente un métaphorique. Là. T'achètes la boîte vide, mais tu te sens à marcher dessus. C'est deuxième niveau. Là. Ah ben non, mais il y a déjà une peintre péruvienne qui vendait des œuvres qui étaient des canevas blancs, mais qui s'appelait Champ de fleurs en éclosion au printemps. Que t'imaginais toi-même. Puis là, ben, c'est ça, t'étais provoqué à imaginer des couleurs et elle te venait d'en face. J'ai bien l'impression, mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, ouais. Edgar Bory, il y avait la chanson Les Douteux, puis tu m'as dit que vous avez préparé un visuel pour aller par-dessus ça. Mais on t'a ça fait partie de l'album Fou les canards qu'on lance demain, puis on a filmé des canards dans l'eau en plastique. C'est très écologique, c'est des qui viennent de la Chine ou du Japon. Puis on a mis le texte des Douteux, pas comme un karaoké avec la petite boule qui se promène dessus. On trouvait ça compliqué. On a mis ça porte-pavé de quatre lignes, comprends-tu? Puis ben, il faut lire le texte en même temps, ça nous aide à saisir la profondeur du propos. Et voilà, hey, mais... ben, bravo. Hein? Puis moi, j'aime beaucoup, encore une fois, le design. Là. Le canard avec la tête d'homme, avec l'affaire qui le rend intelligent sur la tête. Oui, oui, le casse du Tin Can Man. Ouais. Et surtout, parce qu'il prend la parole pour dire quelque chose, la cible au cœur. T'as vu le bullseye pour parler français? Ah, boy, ben ça veut oui. dire que le gars qui parle pour dire ce qu'il pense, il n'y a pas grand chance de se rendre au bout du tapis roulant. Oh! C'est ça que ça veut dire. Même s'il peut changer de direction. Ouais. Oui, c'est ça. Puis sinon, c'est le lancement de l'album demain au Bain Mathieu. Bain Mathieu sur Ontario 29-15, mais malheureusement, parce qu'on a déjà bien du monde, c'est seulement ceux qui ont été invités, qui ont réservé, qui peuvent venir parce qu'on n'a plus de place. Et voilà. Puis est-ce qu'il va y avoir des cracheurs de feu? Il va y avoir toutes sortes d'affaires, mais disons qu'on garde ça pour la surprise. Ah, ben ça, c'est cool. Est-ce qu'il va y avoir des cracheurs de salive? Je sais pas, mais écoute, je suis pas au courant vraiment de ce qui va se passer demain. Vas-tu être là-bas? Je suis invité. Oui, je vais être là. Toi, tu vas être là? Je vais être là à visage découvert pour la première fois depuis 15 ans. Oh, donc ça, devant le monde, c'est pour moi, ça va être le monde te reconnaîtra jamais. Ben, je sais. Va-tu avoir le dévoilement avec la toile, puis là, on tire, puis il est là? T'es là, ouais. Non, c'est une grosse limousine à 8 portes, avec 6 gardes du corps, avec les grosses lunettes foncées, puis les attachés case. Puis finalement, ça va être écrit Michael Jackson sur le char. Style libre. Non, mais quand même, on sent que pour toi, c'est comme... peut-être pas facile, c'est une étape dans ta carrière d'artiste. C'est stressant, ça, tu prends ça... C'est-à-dire que ça a pris 15 ans, je suis juste slow à me décider, mais là, disons que demain, je suis pas trop sûr encore d'avoir pris la bonne décision, mais c'est pas grave. Disons que faire de la radio, c'est bien le fun par rapport à faire de la scène à découvert, je vais le savoir après, c'est-à-dire demain après la prestation, je vais savoir comment je file, puis vous verrez des journaux. Là. Si moi, je finis comme Falardeau ou comme je sais pas qui, vous saurez que j'avais pas aimé ça. Ou comme Michel Richard. Ouais, ben Michel Richard, je sais pas c'est quoi, on va en entendre un peu plus parler. Tu vas voir, tu vas voir. En tout cas, bravo, hein, ça prend tout le temps du guts de faire évoluer son propos en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça. Puis c'est toujours des affaires que j'ai dit que je ferais jamais, fait que ça, c'est là que ça prend le plus de guts. Accepter de se tromper, c'est la noblesse de l'homme. Ouais, puis c'est pour ça que j'aime les douteux, puis j'aime le 70%. Eh ben, Colin, il l'a dit, vient nous faire notre indicatif, ben on n'aura même pas besoin de lâcher aller. Ah ben, merci beaucoup, Edgar. Je veux dire, on va te reposer des questions. Là, on te prend un petit peu pour acquis. Tu es assis là avec nous autres, puis l'ambiance va bien. Moi, je vais me reposer tout court. Bon, ben okay. Voici. On va continuer avec Greg à côté. Ben oui, salut Greg. Je t'avais dit qu'on était pour te dire salut. Salut. Tu sais, nous autres, ici, à 70%, on a un, il s'appelle DJ George. C'est Étienne qui est juste là. Puis lui, d'habitude, quand on a des... des musiciens dans la place, on aime tout le temps ça, faire sa chronique avant... Okay. Ça stimule. Tu vas comprendre rapidement pourquoi. Oui. Je pense que ça va être plaisant. DJ George, c'est Michel Richard et l'alcool. Ben oui, c'est ça. C'est-tu deux affaires qu'on a déjà trop entendu parler? Ces affaires qui se mélangent mal, en fait. Michel Richard a été souvent accusé de conduite en état d'ébriété, puis s'en est tout le temps sorti non coupable. Sauf la dernière fois, et puis j'étais très content d'entendre ça, parce qu'elle avait la défense la plus farfelue que j'ai jamais entendue dans un dossier de ce genre, puis j'en entends quand même beaucoup. Au lieu de dire, par exemple, « Je comprends pas, j'avais juste bu 3 bières en 4 heures, puis je suis pas supposé d'être saoul », ou encore de dire « Les policiers étaient pas supposés de m'arrêter parce que ça paraissait pas que j'étais saoul », ça, c'est les deux défenses classiques que tout le monde utilise. Elle a dit... Je suis pas saoul du tout, j'ai rien bu pantoute, et puis je conduisais tout croche parce que mon chien puis mon chat qui était lousse dans l'auto avec moi se bataillaient pour avoir le siège d'en avant qui est chauffant, puis là ça me faisait déraper d'un bord puis de l'autre. Puis après ça, quand elle est sortie de l'auto, elle avait une démarche titubante, telle que rapportée par les policiers, puis elle disait « C'est pas une démarche titubante, c'est une démarche de mannequin. Je marche un pied devant l'autre comme ça, comme une star. Instinctivement, quand des gens me regardent marcher, j'adopte cette démarche-là parce que ça fait tellement longtemps que je le fais sur scène. » Puis là, le juge a qualifié tout ça de rocambolesque, farfelu et cousu de fil blanc. Mais c'est qui ce héros-là? C'est la reine de 4 saisons. Oui. Non, c'est VTV. Hein. Mais as-tu soufflé dans une balloune? Oui, elle a soufflé à 2 reprises, puis elle était à 144 mg au lieu de 80. Ça, ça aide pas. Ça. Donc, en fait, ils ont donné à balloune, elle a essayé de la caler, finalement, elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Là, elle a soufflé. Okay. Simon Prêtre, j'entends qu'il est fou du roi. Oui. Il est là, bon nouvel. Fait que j'étais content d'entendre ça cette semaine, puis je me suis dit, il faut absolument que je souligne ça. Puis pour ça, ben, je pars une petite toune de mon ami Caillouche, que je dédie à Michel Richard. Je sais pas si elle nous écoute, il y a des grosses chances. Mais parce qu'il pogne pas la radio là-bas, ils ont juste Internet en prison, hein? Ah, elle est pas en prison, malheureusement. Malheureusement. Elle a juste pas de permis pour un an, puis 800$ d'amende. Fait comme elle peut sortir de chez eux, elle écoute la radio web en place. C'est ça, exact. Elle va avoir les oreilles qui griffent pendant un bout de temps aussi, sûrement. Caillouche nous chante l'alcool au volant. L'alcool au volant, c'est criminel. L'alcool, pardon. Criminel, la bière devient chaude, puis la poche te gèle. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. Que de sagesse, Caillouche. Même si t'as gradué. Même si que t'es âgé, c'est un acadien. Tu vas te faire pogner. On parle à GRC. Ce que tu vends de ça. Tu vas l'air ben cocoon. Mais que tu sautes d'un ballon. Ben c'est ben mieux que de se faire tuer. Voilà, Michel, prends ça avec sérénité. L'alcool au volant, c'est criminel. On dirait que c'est une toune pour faire dodo. Il est chaud, puis la poche te gèle. Où est-ce que ça va? Si tu cours en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. On se tape un autre couplet. Alors, on est capable. Oh, oh, solo. Là, c'est solo. C'est beau. Ça prenait ça. On dirait qu'il a déposé sa guitare vite, qu'il a ramassé le violon. Là, il y a un violon qui passait. Donc, il met un virage. Si tu vas la prendre une bière, des fois même deux, on a du fun quand ce qu'on est sur le bootlegger. Mais c'est quand tu t'aimes dans le chemin, avec un short dans les mains, c'est lorsque tu viens dangereux. C'est lorsque tu viens d'alcool au volant, c'est criminel. Et voilà, merci, une merci. Chanson dédiée à Michel Richard. Oui. On va en écouter une d'elle. Pour nous, elle nous rappelle que, malheureusement, pour toi, elle est encore libre. Donc, Michel Richard qui nous chante ici Je suis libre. Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre. Je sais pas si on va l'écouter aussi longtemps que celle de Caillouche, probablement pas. Non, on la connaît celle-là, c'est pour ça, c'est fait longtemps. Dans le temps qu'elle était encore chanteuse. C'est ça. C'est bien avant d'être la reine de 4 saisons. Dans le temps qu'elle avait une carrière. C'est ça. Ben, il y en a une encore. Rastel, c'est Diva. T'as rien besoin de produire pour être ça. T'as juste besoin d'être bitch. Mais elle, elle faisait un show au casino la journée de son procès. Puis elle avait dit aux policiers, quand ils ont fait signer la promesse à comparaître, qu'il allait falloir qu'ils viennent la chercher avec des gardes armés au casino parce qu'elle, elle y irait pas. Finalement, elle est allée par elle-même. Il y a personne qui allait la chercher. Elle a aussi déclaré que la terre allait trembler si jamais on la jugeait coupable. Moi, j'ai rien senti. Aïe, il est plugué sur qui, elle? Je sais pas. C'est qui le dieu de la terre? C'est pas Yaya. Il s'appelle, je pense. C'est Yavé. Voilà. Aïe, s'il te plaît. Ouais, on va, maison une autre. On va changer un peu. Je pense qu'on aurait besoin, pour se remettre dedans, là, d'une belle voix douce et tendre. Ben oui. Aimeriez-vous ça par des bons voilà. petits verres de bière? Oh, ouais, ouais. Oh, ouais. Soyez francs, là. Oh, ouais. Soyez francs. Wouldn't you rather be having a beer? Est-ce que c'est international, ça, Cathy? Est-ce que t'as déjà entendu ça, cette chanson-là? Non, je l'ai jamais entendu. C'est donc une première pour toi d'entendre « Donne-moi un verre de bien, mon minou ». Ouais, oui. Tu vas la chanter tout le temps, là, maintenant. C'est pas vraiment évolutif. Non, il y a un couplet, il est fait deux fois. Non, mais vous la connaissez tous, par contre. Ouais, c'est un grand classique. Ah, oh boy. Ben, toi aussi, t'as connais. Toi, tu l'as entendu une fois. Et puis, on est rendu dans quoi? Elle est morte à 200 ans. Là, on est rendu dans la chanson « Un jour, un jour » de Michel Richard, oh, ouais. Qui était le thème de l'expo. Puis aussi, elle a chanté ça au lancement du métro à Laval, mesdames et messieurs. Cherchez ça sur YouTube. C'est Predge qui m'a fait découvrir cette beau vidéo-là. Elle chante ça devant une foule de 15 personnes extasiées dans le métro Montmorency à Laval. C'est un peu moins grandiose que l'Expo 67, mais prudent. Elle a tellement d'énergie, ça vaut la peine. Ah oui. DJ Georges qui est perdu dans la forêt des superlatifs. Grandiose, le métro à Laval. Écoute, c'est quand même quelque chose. Puis même, des fois, entre deux lignes, elle va dire « Bravo Laval !» avec beaucoup d'énergie. Projet de société. C'est touchant. Fait que tu vois, vous dire qu'elle n'a plus de carrière, ben moi, je vous dis, c'est même pas vrai. Le métro à Laval, c'est récent, là. Elle en a une carrière. Oui, on y croit. Il y a 15 personnes qui y croient encore aussi. Ouais. Ouais, à Laval. À Laval seulement. Oui, écoute, imagine ailleurs, là. Hey, là, c'est juste la deuxième plus grosse ville au Québec, Laval. Merci beaucoup, Georges. Ça fait plaisir. Alias DJ, bien sûr, la souffrance redeviendra quelque chose de réel plus tard. Oui, hey, je voudrais juste dire deux secondes, là, je reprends le micro pour dire que le 2 novembre, c'est confirmé que c'est la pleine lune et que Danny Daniel Gabriel va venir nous voir. Il va jouer une tune live ici à 70%. Là, c'est pour de vrai, de vrai. Hey, attends un peu, je me donne un coup de tête sur le comptoir. Ça a l'air vraiment. T'as dit quoi? Il va revenir là. Il va revenir avec sa guitare, il va nous faire des tunes live le 2 novembre parce que c'est une pleine lune. La dernière fois c'était la nouvelle lune. La dernière fois qu'il est venu c'était la nouvelle lune, puis là ça faut que ça il se accorde, balance. Ouais, il accorde des entrevues. La dernière fois c'était une nouvelle expérience, puis cette fois-là ça va être une expérience. Prochaine fois il va falloir que ce soit une demi-lune décroissante. Ouais, c'est ça. Puis l'autre fois d'après ça va être une demi-lune croissante. Puis on va avoir presque fait tout le cycle. Et là, il va rester les croissants, là, puis les quand, solstices. Tu sais aussi, quand tu vois juste le milieu de la lune, comment ça s'appelle, ça, déjà? Là? Ça s'appelle une hallucination. Ah, c'est ça, quasiment. Hey, c'est Bill Haley, see you later, alligator. Lui, il était là bien avant Elvis. Bruno. C'est Bruno Corbin, vous écoutez Edgar Bory. Ici Edgar Bory, là, je suis ici, mais je m'en vais tout de suite chez nous pour écouter 70%. Je viens de découvrir l'émission, puis ça a l'air que c'est bien. C'est le fun, je viens d'en vivre une, là, je vais aller écouter les autres qui s'en viennent ou qui sont passés. Ah! Ah, c'est fou! C'est le fun. C'est pas fini. D'accord. Alors, après avoir ordonné aux policiers de la ville de Welford, en Caroline du Sud, pardon, de ne plus poursuivre les criminels qui fuient même à pied afin de ne pas causer de blessures aux spectateurs ou même aux officiers, la mairesse de la ville, Sally Peake, est revenue sur sa décision. Bon. Les criminels doivent donc à nouveau craindre de se faire attraper par la police. Ah. Parce qu'avant, dès que t'étais loin d'un policier, t'étais correct. Exactement. Donc, c'est Trey Gowdy, un procureur et ami de la mairesse, qui lui a envoyé une lettre lui demandant de reconsidérer. Après une discussion avec Gowdy, Peake a décidé de permettre aux policiers de les poursuivre à pied seulement, par contre. Plus de poursuites en voiture. Elle affirme le faire parce qu'on lui a demandé et s'en excuse. Je suis d'accord avec ma décision, a-t-elle dit après l'avoir annulée. C'est spécial. Ouais. Ça donne des mairesses. Ben, c'est comme démocratique appliqué. Fait qu'après ça, on lui en douait une, mettons. Exactement. La prochaine fois, on va pouvoir passer à être décrit qui n'est pas totalement logique ou en accord avec les affaires des autres autos. Exactement. C'est comme avec ta blonde. Ouais. Je vais en faire une autre petite là, qui a presque un rapport. Les autorités de Forest au Mississippi ont dû utiliser la force afin de retenir un émeu sur la route. C'était émouvant. Les députés du shérif ont dû utiliser leur pistolet à impulsion électrique et menotter l'oiseau afin de le contrôler. On recherche toujours son propriétaire. Ils ont des mains? Ben oui, c'est ça. Ben, ils ont des pattes. OK. En tout cas. Fait que là, il y a comme un émeu qui attend. Il y a un émeu menotté dans une cellule, en quelque part, qui attend que son propriétaire le bail-out. Est-ce qu'il y avait une médaille? Non, je pense pas qu'il y avait une médaille. Il n'était pas marqué. On rappelle à tout le monde que c'est important de marquer leurs ses émeux. Oui. Marquez vos émeux, tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas la journée internationale du marquage de l'émeu qui s'en vient la semaine prochaine? Oui, je pense c'est ça. Que oui. C'est pour ça. Il faut sensibiliser les gens à ça. Moi, j'ai un message dans le propos, c'est pour Jessica de la part de Manu de CIBL qui l'embrasse. C'était très important que je dise ça aujourd'hui. Ça va dans la lignée des policiers de l'Oklahoma, je sais pas quoi. Alors, voilà, le message est fait. Et allez, voilà. Jess! Ça va dans la lignée des policiers parce que ça nous émeut. C'est ça. Exactement! Oh! Ça y est, je serais supposé me mettre dehors. Ouais. On fire à 70%. Qui vous parlerait de spécial commando dans ce cas, hein? Ouais. Qui? On va te tolérer. Personne. Michel Richard? Non. Non. Tu peux rester d'abord. L'alcool que Michel Richard a pas bu? Non. Le chat pis le chien, Michel. Aïe, je pèse plus, on va écouter le début du film avant de se plonger dans la description facultative. Sombre. Des bruits clinquants. Ah oui? On est vraiment en train d'être témoin de gens qui sont forcés à travailler dehors. Ils ont tous l'air un peu asiatiques. Hey, au boulot et vous la bouclez, sinon! Roberto Benigni avec une mitraillette. C'est ça, Jean East, Ramon Kobe, là. Y a personne qui s'appelle de même, c'est des pseudos, ça. Irvin Simon, là, le prénom du gars, c'est Will Ching Mang. Bill Max, baby. Bill Max. Hey, ça, c'est du monde choisi. Fait que ça travaille fort dehors, on est dans la prison. Thomas Tang, c'est pas le nom d'un buffet, ça? Ça se peut. Ouais. Non, j'ai coupé le one. Ah, qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe! Chose qui vient de tomber sur les prisonniers. Un combat à la pelle, tribute. Et voilà, coup de poing, coup de pied. Ça dégénère en bataille générale. À coup de pelle, mesdames et messieurs. Non, tu sais pas. On reconnaît ici le bruit spécifique du coup de poing qui fait. J'adore. Ça fait coup de pelle, fait tank. Il me semble que ces bouts-là de bataille, c'est aussi drôle quand on n'a pas le visuel. Ouais. C'est comme le canevas blanc. Hein. Oh, oui. Vous imaginez la bataille que vous voulez. Maintenant. Ah. Ah, on y va, nous autres, avec. Fais gaffe! Oh, voilà les gardiens qui arrivent avec des guns. Déjà quelques amis peureux se rendent tout de suite. C'est fini! Mains en l'air! Ça m'a tout l'air d'un smut nerveux, tout ça, moi. Allez, avancez, allez! Là, checkez bien ça. Ça, c'est le méchant gardien, là. Checkez bien ce qu'il va dire. « 712, 713, 715, 726, Dumbo! Ça, c'est comme les numéros des prisonniers. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est bien plus compliqué de se rappeler ça que de se rappeler John, Paul, puis Simon, là, me semble. Puis Bill Max. Je vais vraiment pas vous louper! Trois jours au mitard! Allez! Il y a vraiment une voix d'asiatique. Trois jours d'une mitaine? Mais il n'est pas asiatique. C'est le seul mitard. Qui n'est pas dans le paquet. Ouais, c'est comme le seul qui n'est pas asiatique dans toute la gang. Vous me refaites ça, et vous allez en prendre plein la gueule! Donc c'est la fin de la première partie que je voulais vous faire écouter. On est en train d'aller dans la tête du héros du film qui a un nom qui a pas de bon sens là. John, je pense que c'est John Bruce Spencer. Ça a pas de bon sens, c'est un pseudo sinon. On s'en fout, c'est un film hongkongais, c'est Spécial Commando. On est à peine 11 ans après Star Wars. C'est incroyable. L'an zéro, tu veux dire. Incroyable. Ben, pour le cinéma, à peu près. Non? Ben, c'est un excellent film. Et puis, ben, je vais en parler d'une manière un petit peu didactique. On se rappelle les cinq grandes familles du douteux. C'est 1, la science-fiction. 2, les arts martiaux. 3, le militaire. 4, horreur psychotronique. Et 5, comédie-drame. L'école est recommencée. On redevient sérieux, pédagogique, structuré et pédant. Ce soir, comme ça arrive quelquefois, vous aviez le choix entre deux films appartenant à la grande famille des douteux dits militaires. Cette catégorie de films est née de la guerre froide et s'est incarnée au cinéma beaucoup autour de la défaite américaine au Vietnam. Je sais pas si vous saviez, les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Non, c'est de la propagande, ça. Ouais, c'est ça, faudra en reparler. Bien sûr, les films appartenant à cette catégorie ne sont pas tout le temps sur fond de Vietnam ou de guerre froide. Mais je sais pas comment finir ma phrase pour citer Burgie. Hein? Donc, chez nous, à douteux.org, quand on arrive au sommet de l'échelle de la prétention, quand on atteint les quelques têtes réellement pensantes qui contrôlent notre bande, on rencontre une majorité d'individus favorisant cette famille, les militaires. L'aspect justification de la défaite au Vietnam, tel que démontré dans Rambo 2, No Retreat, No Surrender 2, 2 points Raging Thunder, version française, cœur de kickboxer, oui. Ou pour faire plus court, NRNS 2, 2 points RTVFCDK, Strike Commando, version française, dernier assaut, Commando Ultimax Force et Jour d'Enfer. Ben là, je vais arrêter de parler des cités parce que... En tout cas... parler d'autre chose. Le décor de guerre servant de prétexte nous permettant de créer autant de cadavres qu'on le souhaite, les passes de bureau souvent à la va-vite, autant d'aspects justifiant que cette catégorie de douteux soit bien meilleure que la vôtre. Les mitraillettes sont plus drôles que les coups de pied, les explosions plus plaisantes que les rings de boxe et les Vietcong aussi cons que n'importe quel zombie. Trois aspects des douteux militaires. L'aspect justificatif, on dirait qu'il existe pour excuser quelque chose tout le temps. Parce qu'ils sont bons, les militaires américains, c'est pas eux autres leur faute. Hein? En deuxième, t'as la limite de cadavres absente. Contexte de guerre, tu peux tuer tout le monde, c'est correct. Ouais. Et troisième, la rareté des décors de bureau, parce que tu t'en vas au Vietnam, il y a la jungle, tu sais, là, il y a... Hein? Il y a des huttes, hein? C'est ça. Là, on va retourner dans le film, encore une fois, pour suivre l'exploration. Là, on a compris qu'il y avait un des héros qui était au Vietnam et puis qui bavait, là. On est dans un flashback, là. Je sais pas. Parce que c'est devenu flou, puis ça a changé de sens. C'est tout ce que je peux vous dire. Oups. Sorti d'en arrière de la loge. Arrête. Passe-nous ton fric. On te le remet mardi. Tu voulais rigoler? Ouais. T'as trouvé comment, mon pote? Passe-moi ton blé. Allez, prends ça là-bas. Là, il y a comme un gars qu'on connaissait pas encore qui marchait à côté d'un mur de briques qui a l'air franchement ancien. Là, il y a quatre gars qui sont arrivés et qui ont décidé de le tabasser. Pour y prendre son fric. Pour y prendre son fric. Mais finalement, c'est lui qui tabasse tout. On connaît le prénom de 711, 712, 715 et 726 à date dans le film. Ce sont nos personnages. Et puis le gars qu'on a ici, habillé de tout blanc, c'est le héros d'un des deux films du film de ce soir. Hé, hey, Laura! Il est rendu dans une espèce de temple en plein air. Avec sa Où t'es-tu passé? T'es en retard! En venant, j'ai été attaqué par une bande de cinq types. Encore une de tes excuses? Mais c'est vrai! Je peux te jurer que c'est la vérité! Tu mens! Il était quatre, mais c'est juste. Bah t'as qu'à aller voir! Ils ont sûrement pas bougé. Il vient de se faire attaquer à coups de pelle, puis ça paraît pas. Il a même pas sué, rien. Ah, mais c'est pas parce qu'il sait se battre qu'il sait compter, là. Ouais. Encore un échec. Sûrement que... Vous l'avez encore laissé filer. Et voici le nœud de l'histoire. Nous avons déjà des spécialistes pour lancer les missiles, alors pourquoi lui? C'est un très bon expert en fission nucléaire. Ah, il a été récemment viré de son service pour outrage envers ses chefs. Est-ce que tu piges maintenant? Ouais, je crois avoir saisi. Te fais pas de soucis. Je vais te le ramener. Ce programme doit rester strictement confidentiel. Sois prudent. T'en fais pas. Eux autres sont dans une tabagie ou c'est quoi le décor, là, je comprends pas. C'est une espèce de bureau américain spécial. Je ne prends jamais de risque. Je ne prends jamais de risque. Avec des graffitis et murs. On va faire, on se fait une petite transition. Là. Très bureaucratique. Ave Maria, monsieur curé de Rati. Une bonne épouse doit suivre son mari. Elle a compris ce que le curé lui a dit. Elle quitte plus son mari. Hein? Elle est toujours derrière. Elle a compris ce que le curé lui a dit. Elle quitte son mari. Un de ses amis lui dit, mon cher Gaspard, tâche donc de lui mettre ton pied quelque part. Peut-être comme ça que tu t'en débarrasseras. Il répond, je ne peux pas. Oh non! Elle est toujours derrière. Chantez avec nous à la maison. Derrière. Elle a compris ce que le curé lui a dit. Elle quitte son mari. Tam, tam, tam. Tiens, on va la baisser parce qu'à un moment donné, on vient qu'à avoir envie d'autre chose. Parlant d'autre chose, je l'ai eu dans la tête toute la fin de semaine. Ça va me faire plaisir de la gueuler ici. Puis après ça, je l'aurai plus dans la tête. Okay? Ça va être notre tour de l'avoir. On n'aurait certainement pas dû aller chanter les morts qu'on est resté accroché. Qu'il est fort pour pas se décourager. Sortir bien dangereux pour voir le monde vivre de Pour moi, la mort. En fait, on est trop fiers, les boys. On a eu une belle discussion et puis on parlait des bandes qui avaient le plus de raisons c'est ça. Et puis, ben, tout le monde était d'accord pour dire que la chicane, c'était une des plus grosses aberrations musicales qu'ils avaient été forcés d'écouter dans toute leur vie. Pensez aux heures de souffrance des Québécois, mesdames, messieurs. Bande de Val-d'Or, je peux pas chier dessus, je viens de Val-d'Or, moi aussi. Check, ben, ramène-moi-là ton émotion prédigérée, là, hein? Puis quand tu te justifies dans ta toune, là, que tu dis que les émotions, que les temps les plus durs, là, que... Les erreurs les plus pires, c'est ça, là, puis tu dis c'est parce que ton personnage dans ta toune, il souffre tellement qu'il est pas capable de mettre ses émotions correctes en mots, là. Ouais, parce qu'il est tellement plein d'émotions qu'il est pas capable d'avoir une bonne syntaxe. C'est ça. C'est le premier signe de l'émotivité. C'est le personnage de sa toune, hein? Ouais, c'est ça. Le personnage qui se justifie. Voulu, là, tout ça. C'est ça, il existe, le personnage. Hey, tabouette. Boum Desjardins, l'homme dont le prénom est un onomatopée. Toi, Greg, c'est ton nom de famille qui est un onomatopée. Non. Ah oui, c'est Jay. Ouais. C'est une onomatopée, tu sais. Hey, parle-moi de toi. Ça représente quoi, selon toi? Comme onomatopée, c'est quoi, ça? C'est un bruit d'une bande dessinée. Ah, mettons, ouais. Des fois, il y en a un, il slame la porte, ça fait Jay. Un départ d'avion. Ouais, c'est ça. Ou sinon, c'est les bruits de prunelles, le boss de Gaston Lagaffe, il fait une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, il en fait une couche. Hey, ben, parle-moi de toi, Greg. Là, t'as quel âge? Ah oui, ben, ça, tu commences rough, toi. Ben, oui, hein? Dans le vif du sujet. Ouch. Ben, j'ai 47 ans. Arrête donc, toi, t'as l'air fringant. Ah oui, mais c'est... Ça passe vite. Est-ce que tu teins tes cheveux? Quasiment comme une barbe qu'on vient de repeinturer. Tu veux savoir ma marque de teinture ouais, de cheveux? Ouais, est-ce que tu teins tes cheveux ou non. C'est... Non, c'est pas, tu mets pas du Just For Men ou des cheveux? Non, ni de la graisse de caribou. Rien du tout. C'est pas quoi non? Ton truc pour ta ligne? Greg J nous explique son régime maintenant. Dove fraîcheur. C'est ça que tu manges? Et puis toi, t'es musicien, là, Greg, là, pour... Ben oui. Pour, ouais, t'as plein de flûtes de bois là devant toi. Ouais, j'ai amené quelques échantillons de mes flûtes. Oh, c'est cool ça. Vous pouvez les voir en ondes. Oui. Alors, vous pouvez les entendre. Oui, c'est du bois. Bon, on peut s'en servir comme clave aussi. Oui, c'est intéressant. Il y en a sept. Comme, moi, je te connaissais surtout comme percussionniste, par contre. Ben, ça peut s'arranger. J'avoue, on peut faire du bruit avec ça. Puis, ben, je veux dire, musicien, là, t'es musicien de chambre, toi, dans le fond. C'est quoi tu fais? De tu chambre, fais des gigs de n'importe où. De ben salon, ce que tu veux. Il joue le où on le place. Puis, qu'est-ce que tu fais au Québec? Là? Ah, qu'est-ce que je fais au Québec? J'existe. Premièrement, puis je continue, j'essaie de continuer à cette occupation. Ça donne bien, c'est une bonne place pour exister, ça, le Québec. Le Québec, c'est pas pire. Ouais, fait que, maintenant, on va laisser ta spécialité parler pour toi. Tu vas nous siffloter une petite affaire. Ben, j'imagine que tous, plus ou moins, vous avez été traumatisés par la flûte à bec, soprano, à l'école. Tout se passait par là. Ouais. On jouait J'ai du bon tabac. Oui, ben c'est ça. Malheureusement, ça sévit dans les écoles des flûtes, des professeurs de flûte. Mais ça se trouve qu'on peut quand même développer ça un petit peu plus loin que le niveau scolaire. Puis, ben, et voilà. Ça veut dire qu'il y a d'autres tunes que J'ai du bon tabac? Oui. Non. Et malheureusement, c'est pas très connu, la flûte à bec. Les gens achètent des flûtes à 3$ puis ils s'imaginent que... Ben, c'est comme tu as dit tantôt, hein, le trauma reste. Et puis ben voilà, c'est ça. Puis après, on haït la flûte à bec. C'est dommage. Ben, je l'haïs pas, mais je veux plus y toucher. Ah non, mais tu vas jouer de quoi d'abord? Oui, OK. Bon, ben alors, on a quelque chose à la flûte à bec qui est pas J'ai du bon tabac. Ou ouais. Joue J'ai du bon tabac, puis après ça, montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Bon, on va commencer... avec J'ai du bon tabac. Gentil. Je sais pas si je m'en rappelle. Premier son. Ouais. La suite, la fête. Et voilà. À la fin, à 70%. Alors, il a fait mieux qu'on avec la flûte à bec, c'est juste une petite parenthèse. On va faire, comme tu disais, le pédant. Là. Ben oui, go. Ben oui, c'est l'heure pédante. La flûte à bec, ça a été redécouvert par un monsieur Karl Dormerst, qui est un Allemand. Au début du 20e siècle. Ah, oh boy! Ah, ouais, parce que pendant 150 ans, ils ont décidé la flûte à bec, c'est plus in. C'est pas assez pédant. C'est, pendant 150 ans, la flûte à bec a été mise du côté. 1750, là, à peu près, ils ont dit c'est fini, là, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus aucun compositeur. Sa salle décret royal de Montané. Non. Sa majesté ne veut plus rien savoir du bon tabac. Voilà. Alors, ce monsieur Dolmerst a redécouvert l'instrument, puis le voilà. Ah, mais pour vrai, là, je dis pas que je suis un expert en flûte à bec, là, mais la qualité du son de ta flûte en bois me semble nettement supérieure à celle des flûtes en Yamaha plastique. En plastique. Ouais, je l'ai pas amené ma plastique. Okay. J'en ai d'autres aussi. J'en ai qui sont en roseau, qui viennent d'autres pays. Celle-ci, par exemple, c'est une curiosité, c'est une flûte indienne. Oh! Que j'ai payé 1,99. Oh. Je m'en suis servi sur des tracks enregistrés. Alors, voici. Ben oui. Alors là, vous direct sentez, écoute, choc FM. Oui, c'est bon, exotique. Ça, même. Ouais, une autre dans ce style-là. Cette flûte-là, c'est la particularité, c'est que tous les trous sont parfaitement égaux, ce qui suppose que la justesse est totalement absente. Et voilà, on teste. Mais on teste, et c'est pas si mal. Ah, c'est pas si... Ouais, c'est intéressant. Ça a l'air. Et puis... du répertoire indien. Oui, c'est ça. Avec des comas qui sont pas en bonne place. Ouais. La noire, celle-là... Ouais. Alors ça, c'est la noire, c'est en ébène, c'est un fifre de l'armée. Dis bien le R, là. Oui, ouais, de l'armée. Sinon, ils n'ont pas le droit d'être dans l'armée, je pense. Non, ben, ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de le dire. C'est ça. À moins d'avoir un R. C'est ça. C'est un R, toujours. Fait que ça, c'est quoi, mettons, c'est du pipeau pour avant d'aller se faire tuer? C'est exactement ça. Okay. Ah oui? On marche en cadence vers le feu ennemi. T'espères que ça... T'espères que ça va lui faire peur. C'est une marche militaire que tu peux nous faire? Oui, mais ça crie fort. Hein. Je sais pas si les micros vont le prendre. Les micros, il y en a vu d'autres. Ah! down de flûte à 70%. Wow! J'ai le goût d'aller tuer des Anglais. Hey, excellent! Si on vient de faire un cours de flûte, fait que finalement, c'est l'Allemand qui l'a ramené. Oh shit, ouais, il sort la matraque là-bas. Ouais, là, il en a une, là. Grosse flûte. Ah, une grosse flûte. Ah, okay. Le bazooka de la flûte. C'est la flûte de Cro-Magnon. Mais ça, c'est la flûte basse. Puis ça, ça mesure combien, là? 4 pieds, à peu près? 3 pieds. Ouais, ouais. Bonne, t'as un bon compas dans l'œil. Oh, c'est lui. C'est ouais. Ouais. Non, ça... Il est professeur. Ah, des fois, j'ai un petit peu de difficulté à aller chercher le grave. Ouais, ouais, c'est pas quand même. Puis, joues-tu du djuridou aussi? Es-tu capable de souffler régulièrement? Oui, oui. Ouais, t'es capable de garder le souffle? Non, j'ai pas cette technique-là. Pas développé cette technique. Non, je me demandais si on pouvait appliquer ça à la flûte à bec. Ça doit être plus difficile. Oui, c'est faisable, mais... Ah, c'est j'ai vraiment... pas trouvé encore l'intérêt de le faire. Et voilà, Greg. Une bonne suggestion. Hey, pour apprendre à te connaître un peu plus, là, comme tu as voulu rester ambigu, là, je vais te poser une question que tu pourras pas répondre peut-être. Là. Hein, c'est quoi ton dessert préféré? J'aime bien les tartes. Les tartes aux fruits, ces affaires-là? Tartes aux fruits, oui. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, j'aime bien. C'est bon, j'aime ça. Merci, Greg. On pose des questions de choc. En parlant de tarte, hier, je me suis rendu malade à manger une tarte qui était trop bonne. C'était la tarte fraise et rhubarbe des Copains d'abord, qui est probablement une des places qui a le nom le plus poche. une des boulangeries qui a le nom le plus lame que j'ai vu dans ma vie. Mais quand même, très bonne tarte. Donc, fraise rhubarbe. T'en ont-tu donné une pour lui faire de la pub ou? Non. Non, c'est vraiment manger, une opinion qui ici personnelle. Ben, en parlant de tarte, là. parlant de tarte, moi j'ai trouvé deux nouvelles tunes sur Cédrica cette semaine. Non, pas pour vrai. Je te jure, deux nouvelles. Non. Ouais, on a eu celle du gars comme la chicane, là, qui donne des conseils à Cédrica de pas faire confiance aux inconnus gentils. C'est ça. Trop tard. On a eu celle de C pathétique qui dit qu'il la connaissait pas, mais il est sûr qu'elle était cool. Ouais. La photo. La photo avec ton sourire. Cool. Puis d'habitude, c'est pathétique. T'sais, il chante des tunes sur le fait qu'il vend du pot puis qu'il faut des bros. Ouais. Et puis après ça, il y en a un, c'est Stéphane. J'ai oublié, là, je vais faire une espèce de petite rétrospective la semaine prochaine. C'est juste que j'avais trop mal, je devais partager. Ouais. Ça en est une comme country à la slide guitar. Puis il y a Petite Fleur qui est comme cœur de pirate wannabe qui nous a fait une complainte lyrique aiguë là, qu'elle va faire mal. Qu'elle va faire mal. Fait que là, on va-tu écouter ça là ou on va écouter ça la semaine prochaine, mettons, pour comme me laisser une chance de... On se prépare. OK, c'est bon. Okay, on se prépare. Cette semaine, à date, on a eu ça. Là, on va écouter une autre chanson qu'on va trouver gentille. Edgar, nous autres, on a ton album, là. Oui. Qui sort demain. On est rendu, c'est ça, là. On sent Big Shot. On a eu Les Douteux, la deuxième. C'est quel l'autre qu'on écoute? Geste de gestionnaire, pour rappeler un peu l'image d'un certain Pagliaro qu'on a connu. Geste de gestionnaire. Oui, c'est la 4. Oui. Mais ça, tu peux mettre ça, mais c'est un rock tout à fait traditionnel. C'est pédant, parce que pour reprendre un... Là-dedans, c'est l'air pédant. C'est le mot du jour. Là. C'est le mot du jour. C'est le word of the day. Dans le communiqué, on dit que certains gestionnaires font ça, mais... Excellent, 70% geste de gestionnaire. Merci, Edgar. Un nouveau tour. D'asile face au mépris, c'est la samba des grosses bédaines. Encore une bonne semaine. Dans les rues, dans les taudis, de plus en plus de gens s'affairent à tout foutre en l'air. Plein d'un bain de sang qui boude et sous la marmite des sous, on arrive au bout. geste de gestionnaire. Coupure au pas de pas d'allure, voilà Rombard des croque-mitaines. Encore une maudite bonne semaine. Sous gâchis de honte bue, de plus en plus de gens se déplient. Ce coup-ci c'est fini. Caviar pour les doigts en l'air, congédie la petite cuillère. On arrive au bout du gris, bout du dossier. Geste de gestionnaire. Dans les rues, dans les taudis, de plus en plus de gens s'affairent à tout foutre en l'air. D'asile face au mépris, c'est la samba des grosses bédaines. Fini les bonnes semaines. Bout du gris, bout du docile, face aux gestes d'imbéciles. La marmite des sous, geste de gestionnaire. Vous êtes à 70%. La meilleure émission de variété de Choc FM ever. Moi, je pense qu'on a gagné le prix à cause de notre humilité. C'est clair. Ouais. Ça se voit tout de suite. Tradition qui se poursuit. Wow. Hey, c'est assez fou, ça. Hein? Wilkinson's Family Restaurant, chanté par une espèce de clone gay de Marilyn James Manson. Puis ça a l'air d'être une vraie pub. C'est ça, je suis en train de chercher, puis je trouve rien sur ça à part la vidéo lui-même. Okay. Le restaurant existe-tu? Fait que je suis pas sûr que ça existe. Ben c'est ça qu'on cherche, là. C'est un peu comme Montgomery, le flea market Montgomery. Ça, on sait qu'il existe vraiment. Ouais, il y a puis... Wikipédia, ouais. Plus long que celui de n'importe quel de nos premiers ministres. Ouais. Comme il se doit. Comme il se doit. Hey, Edgar Bory, moi je sens, là, ça fait deux chansons que j'écoute de ton nouvel album en dedans d'une heure. Là. Mm. Puis je sens que c'est pesant. Non, non, pas en toutes, les autres, c'est parce que t'as pas écouté les autres. Ah, ok. C'est une espèce de d'affaire étrange. Là, je sais pas, je suis tombé sur la 4, je voulais chialer un peu, mais. Ben, bonne affaire. Il y a des belles petites tunes tranquilles, là, pour le petit chanteur de l'ombre, mais il y a aussi des tunes étranges. Écoute, il y en a une pour votre émission, la 12e, que j'ai co-écrite avec Michel Rivard, c'est quelque chose. Ah, boy. Mais vous la mettrez un jour. Ben, certain. Puis là, ben, vu que tu te découvres plus, ben, tu peux faire plus de featuring aussi. Ben, je sais pas, mais je sais que. Je sais pas. Mais ça doit être plus facile de rencontrer Michel Rivard si. Mais non, si je le connaissais. Non, Michel, non, non, c'est un vieux chum, Michel. Ok, ok. Michel Richard, elle. Michel, pas Richard, faut pas mélanger, ah, mais reste quand même que c'est ça. Point. Voilà, bien dit. Hein? Ben, sinon, on vous le rappelle que Fou les canards, ça sort demain. Ouais. Puis on va vous le rappeler tantôt encore. Ben ouais. Puis en attendant, Simon Préjean, est-ce que c'est le temps? Ouais. Sens-tu capable? Oui, donc. Est-ce qu'il est chaud? Il est pas fumé, juste pas. Faut que tu mettes sa toune, là. Ben non, mais regarde, là. C'est pas évident. Cette semaine, j'arrête de fumer. Je fais ce que je peux. Fait que ça, j'arrête de fumer. C'est 5 minutes à la fois. Bon. Comme je vous ai dit, cette semaine, j'arrête de fumer. Je suis donc sur le gros nerf. J'ai aucune patience, puis je me sens comme si tout le monde me pilait ses pieds. J'ai tellement de frustration depuis que j'ai arrêté de fumer il y a 3 jours, asti, que j'avais au départ une chronique de 72 pages, d'une durée de 3 heures, puis tout est passé, mais en me relisant, j'ai saigné des oreilles, puis j'ai tout collissé au vidange. Fait que j'ai pas grand-chose de préparé, je vais faire ce que je peux. Premièrement, les Bixi! Asti, que ça me lève le poil! Tout d'abord parce que ça met ses routes un paquet de crapets d'enjeux publics qui sont pas habitués de tenir sa bécique. Il y a jamais de borne de libre pour un négro. On a un appel! Quelqu'un qui veut dire de fermer ta gueule. On a un appel en direct. Bonjour, bienvenue à 70%. Monsieur Pledge? Ouais? Ouais? Monsieur Pledge, je suis le président Nguyen de Nguyen & Sud Import Export. Ah, pas toi! Également, je suis le chef du conglomérat oligarchique des Nguyen, votre fameuse armée des Nguyen. Ah! Monsieur Pledge, cessez vos exactions contre les Nguyen. Sachez que nous contrôlons même votre famille, Monsieur Pledge. Car c'est une marque déposée de Johnson & Johnson, une propriété du le conglomérat. Alors, si vous désirez conserver votre pénis, ne parlez plus des Nguyen. Alors, la semaine prochaine, on continue notre chronique sur les Nguyen. Merci beaucoup, monsieur Nguyen. C'était une menace que nous nous remettons à exécution. Au revoir. Oh! Hey, hey, là, il me pompe, là. C'est la première fois qu'on a des menaces en... Là, il me pompe, là. Ah! Mais tu y attends après l'émission avant de nous faire des menaces. Ah oui, là, directement. Mais là, je suis pas préparé, là, moi. Ah! Qu'est-ce que je fais, là? Hey, là, je vais continuer quand même. C'est Bixi, tu sais, je peux pas... Les Bixi, dans le fond, c'est juste un des bras des Nguyen. Ben oui, je vois bien, tu sais, c'est une machine. C'est sûr que ça vient d'un Wong, anyway. Anyway, moi, ça me purge. Ça, à chaque fois que je pogne un Bixi, après ça, je trouve pas de borne de libre pour la ramener, mon Chris de Bixi. Là, t'es obligé de revenir si t'es pas. Puis là, tu te tapes toute la raide à pied. Tu retombes sur des Nguyen encore. Puis là, tu viens de dépenser pour rien. Puis de te forcer, asti, comme un chien, de taper toute la crise de raide. Moi, ça me purge. Asti, et en plus, man, il y a juste 3 vitesses là-dessus. Il y a rough, il y a ben, ben rough. Puis il y a crissement rough. Hey, c'est bien fait, ces petites bêtes-là, quand même. Hein. Puis pour ajouter à tout ça, les Bixi sont en train de manger tout rond les éco-vélos qui existent depuis déjà bien des années. C'est une compagnie qui offrait le même service du même genre, tu sais, mais encore plus cheap, tu sais. Là, ils sont en train de se faire faillite puis fermer, mais c'est normal. Si on est rendu avec plus de 5000 vélos Bixi dans le centre-ville de Montréal. Il se passe la même chose en région. Plus de la moitié des villages, esti, sont fragiles économiquement parce que mono-industriels. Puis ils vont te crisser un Walmart sur le bord de l'autoroute. Ça dérègle tout le milieu naturel du fermier, ça, voyons donc. Ils vont tout faire faillite ou virer débile comme Michel Richard. La vieille crise de Michel Richard. Elle était tout temps qu'on la punisse, esti-là, hein. Esti, j'étais assez déçu qu'elle a pas... La terre a tremblé, esti, je crée bien. Tabarnak, elle a descendu de ses talons hauts. Man, il était temps qu'on la punisse. Moi, je suis bien déçu qu'elle a pas fait tôle, en tout cas. De toute façon, elle aurait été traitée comme une princesse, puis elle aurait même pas fait la moitié de sa sentence anyway, puis en plus, on le sait qu'elle va récidiver, parce qu'elle sent Chris, dans sa tête, c'est une reine, puis les autres devraient lui baiser les pieds, ça m'énerve. Pareil comme les motards, les Hells, les Rock Machines, ça, puis les Nguyen. Avant, c'était facile. Chris! Non, mais c'était facile avant! Les méchants étaient tous en cuir, assis sur une grosse moto bruyante. Master, il y a tellement de gangs différentes, il n'y a plus moyen de les reconnaître. Puis ils sont en cravate en plus, je comprends plus rien. Mais c'est pas grave, parce que là, je lance malgré tout un concours à l'émission. C'est facile pour participer. Prouvez-moi que vous haïssez Vincent Lacroix plus que quiconque et vous gagnez une Nissan Sentra avec Lacroix lui-même en tête de proue. Mais dépêchez-vous, le concours est pour un temps limité car sa tête est mise à prix. C'est lancé. Sinon, j'ai eu à attendre plusieurs dispendieuses minutes de mon temps en ligne cette semaine. Puis ça, j'ai ça en tabarnak. Surtout quand c'est de la faute de la caissière puis qu'elle sait pas compter. Mais c'est pas le seul à sans pas savoir compter. Il y a l'autre esti de crétin aussi, là. Et puis j'ai même pas envie de le nommer, celui-là. Si je pourrais vomir mon souper. Je parle de celui qui a annulé les contrats pis les crises de compteur d'eau, là. Mais tout était déjà enclenché. Fait qu'on va falloir qu'on paye pareil. Puis qui c'est qui va débourser pis ces milliers de dollars jetés par les fenêtres? C'est toi, pis moi, colique, encore et encore. On est juste des plots à cash, mesdames et messieurs. Comme le réaménagement de Montréal-Nord, ça. Ben oui, si les vandalistes sont encore tout pétés dans le quartier, je comprends pas ça, moi, encore. Je veux bien que tu craches les chars de police, mais t'es-tu obligé de tout péter? Voyons, est-ce qu'ils sont pas tannés de vivre d'une dope, colisse? On devrait les engager pour reconstruire, juste pour voir, est-ce que je t'ai carré de payer pour eux autres. C'est ça, mon problème. Yeah! Je passe toutes mes journées à travailler comme un chien, je débarque chez nous, me reposant un peu, pis là, il y a l'autre coloc qui est sur le party avec le boum-boum dans le tapis. Pas moyen d'avoir une minute de calme. Pour oublier tout ça, je découpe mon coloc en petits morceaux, pis je me fume un joint tranquillement en mettant tout ça dans des sacs poubelles. Mais si, depuis qu'ils ont tout arrêté, gang de motards, là, c'est rendu que c'est gang de rue de ticu de 15 ans qui s'occupe de ça, pis les prix de la drogue montent en flèche. Le marché de la contrebande est géré comme une partie de tac barbecue. C'est n'importe quoi. Résultat, je capote ben raide parce que je dois de plus en plus d'argent avec mon Shylock. Toutes mes meubles sont au pawn shop. Je suis stressé comme un koala qui a pas son eucalyptus. Fait que résultat, je me fume 3 paquets de clopes par jour pour décompresser, mais évidemment, je t'en manque de cul parce que puis je reste célibataire, tu sais, tu comprends bien qu'à parfumer la vieille botch, tu sais, quand tu craches comme Louis Arel, pis qu'à chaque fois, à chaque fois tu prends une pop, tu tousses, tu sens pendant 10 minutes comme dans un vieux film d'Hellraiser, je peux bien croire, tu sais, que les filles sont pas intéressées, tu sais. C'est clair que les potes veulent rien savoir de moi, esti. J'ai deux tentes de cirque en dessous des yeux, esti, parce que je suis pas capable de dormir. Parce qu'il y a des pépines de la voirie à côté de ma fenêtre qui sont en train d'arracher de l'asphalte pour mettre de quoi d'encore plus bruyant. Pendant que moi, j'arrache la tapisserie de ses murs parce que depuis que j'ai arrêté de fumer, je me sens bien mieux. Je respire mieux. Check. Check comment je respire bien, esti. Hey, je suis bien moins nerveux. J'ai bien plus de patience. Je me sens en harmonie avec mon karma pis mes chakras dansent la macarena. Tout est plus focusé, c'est plus clair pis ça goûte quelque chose en sacrement. Ça goûte la marde. Ah, c'est que ça va bien depuis que j'ai arrêté de fumer, moi. Hey, le bonheur veut pas me lâcher la jambe. Hey, j'ai-tu l'air de pas filer, moi? Voyons, c'est malade comme ça va bien, tu sais que je respire. Ah, c'est pour ma prochaine chronique, la semaine prochaine, je recommence à fumer. Tiens, calice, c'est-tu quand il y a du feu, là, moi, je m'en vais. C'était Simon. Oh pledge. Simon pledge. Vite un timbre de nicotine. Et donc on va avoir la petite minute Valérian juste après son indicatif que j'ai découvert ici pendant qu'il était en train de penser que je l'avais oublié. C'est quoi, c'est un jingle pour une blague, ça? Ben ouais. C'est la fanfare. Et voilà. Ok, bon, mais j'avais prévu de rester un peu comme un autiste, moi, dans mon coin, il me prend un peu au dépourvu. Donc la première qui me vient, c'est une de bas étage, on va dire. Juste un petit détail technique, ici, est-ce que vous dites les fesses ou les foufounes? Non, c'est comme ça que vous dites les fesses, non? Foufounes, c'est quand on peut pas bander en les regardant. Mais tout le monde comprend les fesses. Oh, bah, ouais, ok, bon, bah alors c'est juste l'histoire d'une fesse gauche qui rencontre une fesse droite et qui lui dit, dis donc, trouve pas que ça pue dans le couloir? À 70%. Merci Valérian. Tu es à bonne hauteur, en tout cas. Est-ce que ta sœur a honte, là? Hein? Est-ce que ta sœur a honte? Alors en fait, c'est ma tante. Ah, bah. Ok. Il est tellement charmant, Tommy. On en apprend tranquillement. Hey, merci beaucoup. Ouais, salut. Non, bah, alors là, de rien du tout. Et puis, pour poursuivre en classique et en noblesse, on va dire, on va aller voir qu'est-ce que Michel Richard et l'alcool t'ont inspiré. Écoute, Michel Richard, alors, on a toute une discographie, c'est difficile de choisir, mais je pense que dans un moment d'épreuve comme celle qu'elle a subie, c'est bon de se rappeler qu'elle va survivre. Penses-tu? Ouais. Ça griche un peu. D'abord, j'ai eu très peur de me retrouver toute seule avec mes souvenirs et ce grand vide au cœur. Et puis j'ai passé tant de nuits à revivre notre histoire. Et j'ai compris. Je me suis tourné vers la vie et puis voilà. Hey, tout le monde danse, c'est ça, Béange. Non, mais dis-moi. L'index à droite en l'air. En bas, en haut. Ouais. J'avais pensé pour un instant, une narine bien dilatée. Ah oh, ouais. Je suis bien sans toi. Je vis ma vie comme je l'entends. Aïe, hein. La douce époque où t'avais vraiment besoin de te forcer pour faire une chanson. Ouais, ah ouais, écoute. Dans ce temps-là, c'était bien mieux. C'est pas comme aujourd'hui, les textes sont poches, mais regarde, dans ce temps-là, c'est ça. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un se plaindre de la qualité des textes d'aujourd'hui, qui dit que c'était bien mieux dans ce temps-là, je ressors ces affaires-là, je trouve ça très drôle. Donc, ceci dit, bon, on a entendu une toune de Michel, je pense qu'on est dû pour une toune d'alcool. Donc, on va y aller avec... Regardez la thématique! Ouais, ouais, écoute. Je pense, on a écouté tantôt la poune nous chanter « Prendre un verre de bière, mon minou ». Là, on va écouter une reprise... Une reprise plus récente de cette chanson-là. On est dans la méta. Très méta. Vas-y, mon relais! Ah, c'est relais, ça. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons. Je chante des belles chansons. Comme vous les entendons! Oh, yeah! Et voilà. C'est kermesse, ça. C'est un bon Noël. Non, pas pour vrai. Ouais, ouais. Ils ont fait un album de Noël, Kermesse. Ah oui! Non, il était sur Noël dans la rue. Ah, ok, ok. C'est pas leur propre album. C'est leur album. Ça faisait partie de leur concept. Ouais, hein. De contester un concept capitaliste en participant au concept capitaliste, tu sais, c'est vraiment. Mais ça rejoint un peu le Family Restaurant de tantôt. Oh, on peut pas finir ça. Les autres, on peut pas connaître. Non, mais non, mais non, hey, voyons. On va changer de ton un peu. Retournons un peu à la belle époque des boîtes à gogo. Ah. Pour tous ceux qui sont tristes ou qui s'ennuient trop dans la salle. Tous ceux qui sont tristes ou qui s'ennuient trop. On fait Simon Pledge en background. Ah, connaît. Hey, hey, les boîtes à gogo. Oui, mes amis. Avec les copains. Oh yeah yeah yeah yeah. Oui, on peut s'amuser. Oui, on peut s'amuser. Oh ouais yeah. Finalement, une place où c'est permis. Oui, on peut s'amuser dans les boîtes à gogo. Puis, il n'y a pas à Laval aussi. À Laval aussi, c'est possible de s'amuser. J'ai retrouvé le clip dont je vous parlais tantôt. Donc, on va voir un petit peu. Bravo pour votre station. Oui, c'est hein? Fort, hein. Écoute, un petit peu en dessous du ton quand même, hein. Légèrement, oui. Ben, chantait comme la flûte indienne. Regarde, de tantôt, deux trois comas en dessous. C'est Edgar, je vais te dire, je la connais par cœur cette vidéo-là, puis je te jure, est en dessous du ton tout le long. Tout long. Okay. Des fois, elle est au-dessus aussi. Ah ouais, mais jamais dessus. Ben, en moyenne, elle l'a dans le fond. Ouais, c'est pas une moyenne. C'est une moyenne, elle l'a. Donc, sinon, ben... c'est dur. J'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur l'alcool, parce que là, on a soif. Hein? Michel n'a pas bu depuis un petit bout de temps. Fait qu'on va mettre Édouard Castonguay qui nous chante « Remplis mon verre ». Ça commence par un beau Édouard silence. Castonguay qui a un très beau nom de famille. Et des belles chansons. Et on reconnaît ici la chanson country joyeuse. « de cette bonne bière. Peux-tu me servir tout de suite? Je me sens tout drôle, toi tout en rose. J'y meurs pour en virer une maudite. Adore mes chums, belle fleur du rhum. Peux-tu les servir tout de suite? D'accord, alors qu'on se fait bercer par ce doux refrain. Je vais y aller avec les dernières nouvelles de la soirée parce qu'il commence à être tard là. Ouais, il est tard et quart, falloir qu'on s'en aille bientôt, coucher, dodo, tout. Il y a un enfant qui chante avec, juste dire ça. Mais voici quand même. Là. Mais là, il dit remplis mon verre de bière, puisque. Puis là, c'est sa fille qui chante. Et qui dit il est l'heure d'en virer une maudite. C'est quoi, elle a fait du sirop contre la toux. Exact. Approuvé par Docteur Maman. Et en parlant de sirop contre la toux. Oh yeah! Oh, oh. En mars dernier, Sally Harpold, grand-mère de Triplet, est allée acheter 2 boîtes de médicaments contre le rhume pour ses petits-enfants en moins d'une semaine. Les 2 boîtes contenaient 3,6 grammes de pseudoéphédrine, la mettant en violation de la loi de l'Indiana, indiquant qu'une personne n'a pas le droit d'acheter pour plus de 2 grammes de ce médicament en 7 jours. La pseudoéphédrine est utilisée dans la fabrication de méthamphétamine. C'est aussi un décongestionnant. La police a alors arrêté Harpold et l'ont emmené en prison. La grand-mère a fait de la meth. Ouais. Alors, personne ne croit qu'elle voulait fabriquer de la meth, mais les autorités ne s'excuseront pas pour cette arrestation. Nina Alexander, procureur pour le comté de Vermillon, a affirmé que même si la loi a été écrite afin d'empêcher la fabrication de méthamphétamine, elle ne stipule pas que l'achat doit être fait dans ce but. Le public doit être au courant de la loi et savoir ce qui se trouve dans ce qu'ils achètent. Voilà. Exactement. Nul ne peut ignorer la loi. Exactement. Aïe, ça a fait un beau lien avec la toune. On ne comprend plus le lien, mais en tout cas, il marchait tantôt. Non, il marchait tantôt. C'est sirop contre la toux, puis là, la jeune a ça, il y a juste ça. Ah oui, c'est malade. Voilà. Puis, dernière nouvelle de la soirée, la plus grande demande monétaire jamais faite lors d'une poursuite. Dalton Chisholm poursuit la Bank of America pour 1,788 milliards de billions de dollars. On parle ici d'un 1 suivi de 21 zéros. Considérant que le PIB du monde entier en 2008 a été de 60 billions seulement, on peut se demander où il trouvera l'argent si jamais il gagne. Sylvain Campbell, un professeur pour l'Institut des sciences mathématiques de l'Université de New York, affirme que c'est le genre de nombre qu'on utilise à l'échelle cosmique. Il ajoute que si Chisholm croit que la Bank of America a des branches sur chaque planète du cosmos, ça pourrait commencer à avoir du sens. Dans sa décision, le juge Denny Chin déclare que la demande de Chisholm est incompréhensible, cela ayant à voir avec des informations inconsistantes qui lui auraient été données au téléphone par une réceptionniste espagnole sick. Chisholm a maintenant 1 mois pour trouver des meilleures explications à sa demande. Personnellement, j'ai vraiment hâte. On va suivre ça d'après. Aïe, ça veut dire qu'il va falloir peut-être coter pour aider la Bank of America. Ouais, exactement. Aïe, merci beaucoup, Bruno. Ouais. Plaisir. C'était judiciaire pas mal cette semaine. Ouais, c'est pas mal judiciaire. Ok, on va y réfléchir un petit peu. Ça, c'est Michel Richard à Laval. Oui, on a la tonalité. Oh, je suis en train de réfléchir, moi. Là. Je trouvais que ça s'en venait dangereusement proche d'être intellectuel. Je pense qu'on va s'en payer une autre petite tranche de toune. D'ailleurs, toi et Fred, t'en avais une que tu voulais faire écouter? Ben, à moi, peut-être une petite dernière à DJ George. Je ne pas qu'on y coupe ça trop brusque. Oh, ben, regarde, moi, je suis habitué de me faire couper brusquement. Ça fait partie de mon métier. C'est okay. Ton métier de professeur. Oui, okay, et aussi de DJ. Okay. Donc, OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre une de... On va finir avec une de Michel Richard. Moi, je veux Les Lacets Roses. Les Lacets Roses, c'est vrai que c'est bon. C'est un classique. C'est un classique de je Michel Richard. Je peux la chanter au complet. Qui nous parle de son ami Armand, qui a beaucoup de goût pour s'habiller. J'ai déjà fait jouer ça ici, je pense, dans le thème des couleurs. Oui, effectivement. Je connais, bon. J'ai un ami qui s'appelle Armand. Un gars que j'aime, mais perdument. C'est pas une beauté, certainement. Mais je suis folle de ses vêtements. Il a des souliers blancs, des beaux lacets roses. Sa veste à carreaux, quelle atmosphère. Il a des souliers blancs, des beaux lacets roses. Et un panama bordé de rubans verts. Le l'atmosphère d'une chemise à carreaux. Il n'y a rien qui bat ça. C'est quelque chose qu'on néglige. Il m'amène pêcher en sous-marin ou au théâtre. Bon, ben, je pense qu'on va la finir. Ça va être ta toune, Fred. Ah, yes! C'est bon. Ah, mais ce n'est pas tout ce qu'il a. Il a des souliers blancs, des beaux lacets rouges, sa veste à carreaux, quelle atmosphère. Il a des souliers blancs, des beaux lacets rouges, et un panama bordé d'un ruban vert. Nous étions en guerre, décida de s'enrôler sans y penser guère. Mais s'éveilla en tôle pour sans autre forme avoir voulu vêtir son propre uniforme. Ses souliers blancs, ses beaux lacets roses, sa veste à carreaux, quelle atmosphère. Ses souliers blancs, ses beaux lacets roses, et un panama bordé d'un ruban vert. Il fit son testament malgré sa tristesse, disant: avant que je parte pour un autre monde, voici ce que je voudrais porter dans ma tombe. Je veux des souliers blancs, des beaux lacets roses, ma veste à carreaux, c'est ma prière. Je veux des souliers blancs, des beaux lacets roses, et un panama bordé d'un ruban vert. Wang Wang, c'est son rap. Wang Wang qui est le plus petit premier rôle de toute l'histoire du cinéma. Un mais nain. Tout le temps. Oui, un nain qui en fait était atteint de nanisme harmonieux. Pour un total de 3 pieds 9 et 74 livres de furie. Il était ceinture noire en Kaekwondo. Puis il a fait des films d'action étant Wang Wang, l'agent 00. Ouais. Entre autres, il joue dans For Your Height Only. Ouais, For Your Height Only. Armé d'un jetpack, c'est fabuleux. Ouais. C'était fort, ça, c'était fun. Aïe, aïe, aïe. Hey, on est rendu déjà à la fin de l'émission, ça passe vite. J'aimerais que. Non, on va faire des rires de retour à la maison. Il fait 14 degrés à l'extérieur de l'étudio. On a du plaisir ici en studio. Fait que la semaine prochaine à 70%, on va être une semaine passée le lancement de l'album Fou les canards d'Edgar Bory. Edgar Bory, on va se rappeler. Vous allez l'avoir déjà acheté depuis 5 jours. Puis on va être un jour avant ma fête aussi. Oh! Sa fête, une date à se rappeler. Bruno Corbin, merci. Plaisir. Tu vas gagner en maturité. Ben, genre, mais c'est pas mon anniversaire, c'est ma fête, là. quoi? On s'en reparle. Hey Greg, merci beaucoup d'être passé. Merci. En tout cas, la prochaine fois, on va faire de quoi de plus construit. Là. Non, je vais te poser moins de questions que tu peux pas répondre ambiguïment, mettons. La prochaine fois, on fabrique une flûte en onde. Gardez votre drill pas loin. Cathy, merci beaucoup. Bye bye. Et voilà, elle a dit le bye bye. Et puis, il y a Valérian. Eh ben, à très bientôt, plaisir. C'est ça. Hein. N'oubliez pas de réfléchir à sa blague. Non, pas trop longtemps quand même. Enfin, surtout aux toilettes, vous pouvez avoir tout le temps. c'est très approprié. C'est vrai que ça sent pas bon dans ce couloir-là, hein? Pledge? Ouais. Monsieur Pledge, si jamais. Attends, moi je tiens à dire aux cons glomérats de Nguyen que je les attends avec une brique et un fanal. Bon. Sur ce, bonne semaine. Et voilà. Ça a vraiment pas l'air arrangé. En tout cas, c'est vraiment cool. Moi, j'ai peur. C'est pourtant pas arrangé. Je vous assure que j'ai aucune idée qui c'est qui a appelé ce soir. Si c'est un vrai Nguyen ou une blague, je le sais pas. Je vous le jure. En tout cas, il y avait un accent, hein? Arrête de jurer, là. Oh, mais j'aime ça jurer. J'aime ça. Je tiens pas mes promesses. Et puis, DJ George, toujours fabuleux. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Hey, moi, je vais vous laisser packer vos petites affaires pendant que je vais lire la deuxième partie de mon texte qui a très bien sûr à Spécial Commando, qui n'est pas Commando Spécial ou Special Commando en anglais. C'est vraiment Spécial Commando. C'est un non-sens sémantique, c'est une erreur d'orthographe, donc le titre de ce film-là, mais ça nous fait pas peur, on est capable de l'encaisser pareil. Wing Wing, fini. Moi, ça me tente plutôt de... Donc, dans Spécial Commando, Larry Hutton, qu'on présume être Godfrey, on n'est pas sûr, ça spécule fort dans les sites de geeks, et Thomas Stang, duquel je parlerai plus longuement une autre fois, nous démontre un des plus mieux mal réussis des films deux dans un. Spécialité du cinéma hongkongais, que sont les films deux dans un? Disons que j'ai 45 minutes de matériel et que mon pote a 40 minutes de matériel. On les mélange, on a un long métrage de 85 minutes. Une des deux histoires de Spécial Commando, c'est le conflit qu'a l'Américain face à sa mission de ramener un gars capable de terminer un missile pour une bande de malfrats habitant une grotte. L'autre histoire, ce sont des bimbos envoyés en renfort pour éliminer le groupe de malfrats. Vous comprenez alors pourquoi il est impossible de comprendre la trame narrative de Spécial Commando. Si la métaphore de la diégèse... Wow, on se reparle tantôt, Edgar. Je ne parle pas pendant 3 minutes encore. Wow, oui. Merci beaucoup. Il est trop sympathique, c'est fou, ça. Donc, une des deux histoires, c'est le conflit, puis l'autre histoire, les filles. Si la métaphore de la diégèse de ce film est quelqu'un ou quelque chose, cette chose n'est pas apte à survivre dans notre réalité selon les lois physiques de notre univers. En somme, vous ne comprendrez rien. Si vous êtes perdu... On est là avec vous. Quant au dialogue, le vide initial transmorphé en hybride... Hey, salut Valérien! Transmorphé en hybride inviable, cyborgisé par les effets des traducteurs, en rajouteront beaucoup à la pile de questions. Avec les dialogues, les cadrages magiques, les séquences d'action injustifiées, le décor mâché et l'apparition en caméo du drapeau américain, ce seront les assises de votre intérêt. Intérêt qui parviendra sain et frais à la séquence finale meurtrière. Je sais, les superlatifs nous perdent toujours. Drôle de phrase. C'est pourquoi je pèse mes mots quand je dis que le film de ce soir renferme peut-être le plus grand nombre de décès filmés. À vos crayons, prêts, moins 7 en descendant, Spécial Commando. On est à la 26e minute ici. 26-10 et voilà, on trouve la place. Pèse play, 70%. À la semaine prochaine. J'espère qu'ils t'ont pas fait mal. Je vais bien. Ce sont ces gens-là qui sont venus me sauver. Ah bon? Et vous les connaissez, ces types? Pourquoi s'en prenaient-ils à votre fille? Ces types ne sont que des rôdeurs. C'est la troisième fois qu'ils essaient. Je vous remercie de nous en avoir débarrassés. Ah, oh, mais j'ai rien fait. Non, c'est eux les héros. Gordon. Et moi, je m'appelle... Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-hôpital. Le sang est dur. Chose pour vous, cela vous protégera. Ça n'a l'air de rien, c'est... Tiens. Nous sommes touchés par votre geste. Oh, je suis vraiment très gêné. Non, non, non, j'insiste. Acceptez-le. Voyez ce que c'est. C'est un objet très rare, inhabituel. Oui. Vous devez l'accepter. Gordon, Léo, accompagnez-le à son village. À plus tard.